الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On continue dans notre explication du Kitab al-Tawhid avec le sharh de Sheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils de Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dans son livre, dans son sharh qui s'intitule Qurrat Uyun al-Muwahhidin, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et aujourd'hui c'est le cours 18, on est dans le chapitre numéro 2, Babu fadl al-tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub, c'est-à-dire le chapitre au sujet du mérite et de l'excellence du tawhid et de ce que le tawhid efface comme péché. Et au dernier cours, on avait expliqué le premier verset que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avait mentionné dans le chapitre, dans Surat, c'était dans Surat, si je me rappelle bien, Surat Al-An'am, le verset 82, et on avait mentionné le contexte de ce verset-là, les versets qui sont avant. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, c'est-à-dire ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec quelconque forme d'injustice. Et on a expliqué que le zulm ici c'était le shirk, alors ceux-là auront la sécurité, ils seront bien guidés. On a expliqué des détails à propos de l'explication de ce verset. Maintenant, on va continuer avec l'explication et donner d'autres détails. Donc, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit وَأَمَّا مَنْ سَلِمَ مِنْهُ فَيَحْصُلُ لَهُ مِنَ الْأَمْنِ وَالْإِهْتِدَاءِ بِحَسَبِ مَقَامِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ فَلَا يَحْصُلُ الْأَمْنُ التَّامُ وَالْإِهْتِدَاءُ التَّامُ إلا لمن لم يلقى الله بكبيرة مصرا عليها. أما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده وفاته منه بقدر معصيته كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Donc Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique que celui qui a donc été épargné de toute forme de shirk et toute forme d'injustice, hein, et donc lui il aura donc la personne qui a été épargnée du shirk, il obtiendra la sécurité et la guidance selon son statut dans l'islam et dans la foi. Toutefois, il dit celui qui par exemple a commis فَلَا يَحْصُلُ الْأَمْنُ التَّامُ وَالْإِهْتِدَاءُ التَّامُ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَلْقَ اللَّهَ بِكَبِيرَةٍ. Donc tu ne pourras pas obtenir la sécurité entière et la guidance complète excepté si tu rencontres Allah sans avoir commis un grand péché sur lequel tu as persisté, hein, un grand péché que tu as persisté à commettre. Tandis que le muwahhid, c'est-à-dire le musulman qui est sur le tawhid, s'il a commis des péchés desquels il ne s'est pas repenti, il aura la sécurité et la guidance selon son tawhid, selon la proportion de son tawhid et selon la force et le degré de son tawhid. Et s'il lui a manqué quelque chose à cause de ses péchés, à cause de ses désobéissances ou à cause de de quelque, yani quelque chose qui vient diminuer la force de son tawhid, alors il aura de cette sécurité, de cette guidance de façon proportionnelle à sa foi et son tawhid. Et il fait référence par la suite au verset 32 dans Surat Fatir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, hein, il mentionne les trois catégories des croyants, hein, il mentionne que parmi ceux qui ont hérité du livre, il dit, nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons choisis d'entre nos serviteurs, parmi eux il y en a qui se font de l'injustice à eux-mêmes, c'est-à-dire qui commettent des péchés, hein, parmi eux il y en a d'autres qui sont sur une voie moyenne, c'est-à-dire que ils s'écartent de ce qui est interdit et font ce qui est obligatoire, mais ils peuvent parfois faire des choses détestables ou ils vont négliger des choses surérogatoires. Donc ça c'est les gens qui sont sur la voie moyenne, et ceux qui ont précédé tous les autres dans le bien et dans les bonnes œuvres par la permission d'Allah, donc ceux-là c'est les sabiqoun, ceux qui ont précédé, qui ont devancé les autres dans la piété, c'est le plus haut degré, hein, ceux qui ont le tawhid et la foi complète. Donc selon ton degré, selon ton niveau dans la foi et dans le tawhid, tu auras plus de sécurité, plus que ta foi est complète, plus que ton tawhid est complet. Et si t'as commis des péchés ou des désobéissances ou des bidats ou des choses qui viennent diminuer la pureté de ton tawhid, ou diminuer la force de ta foi, eh bien ta sécurité et ta guidance seront moindres. Et Cheikh Al-Fawzan, il fait des commentaires par rapport à certains d'entre ces points-là. Par exemple, lorsqu'il dit que donc celui qui a été épargné du shirk, il va obtenir de la sécurité et de la guidance selon son statut par rapport à l'islam et par rapport à la foi. Il dit wa amma man salima min ash-shirk falahu min al-amn wal-ihtida bihasabi maqami قد يحصل له الأمن المطلق الذي ليس معه خوف وقد يحصل له مطلق الأمن الذي معه وعيد وقد يحصل له مطلق الأمن الذي معه وعيد وذلك في حق عصاة الموحدين. Donc il dit, donc celui qui a été sauvé du shirk, qui n'a pas commis de shirk, et qui, donc lui il aura la sécurité et la guidance selon selon sa position, selon son statut par rapport au tawhid et à la foi. Et donc il dit que c'est possible qu'il ait la foi complète, et donc dans ce cas-là il n'aura aucune crainte du tout. Toutefois c'est possible qu'il ait une sécurité, c'est-à-dire qu'il ait une part de la sécurité mais qu'il y ait une part de menace dedans. Hein? Et ça c'est dans le cas de ceux parmi les gens du tawhid qui ont commis des péchés, hein? Ensuite il mentionne l'autre phrase, il explique, il dit nul ne pourra obtenir la sécurité complète et la guidance complète excepté s'il ne rencontre pas Allah avec un grand péché sur lequel il a persisté. C'est-à-dire, si quelqu'un a persisté à commettre un grand péché et puis qu'il meurt en commettant sans s'être repenti de ce grand péché-là, eh bien, il ne va pas pouvoir rencontrer Allah avec cette sécurité complète et cette guidance complète. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, « Wa amma man salima min ash-shirk » Non, il dit, « Wa ay annahu man taba min ash-dhunub wa mata » وليس له عند وهو ليس عنده ذنوب هذا له الأمن المطلق التام وهذا هو القسم الأول. Donc ceux qui n'ont pas commis de grands péchés et qui n'ont pas persisté à faire un grand péché, ceux-là, ils sont en sécurité complète et ils ont une guidance complète. Tandis que ceux qui ont commis des péchés mais qu'ils s'en sont repentis hein, avant leur mort, eh bien, même s'ils avaient commis des péchés, le fait qu'ils s'en sont repentis, eh bien, ils vont rencontrer Allah comme s'ils n'avaient pas commis de péché. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « At-ta'ibu min al-dhambi kaman la dhambala » Celui qui s'est repenti d'un péché, c'est comme s'il n'avait pas, c'est comme s'il n'avait pas de péché. Donc, il y a ceux qui ont commis des péchés et qui s'en sont repentis avant leur mort, ceux-là c'est comme s'ils n'avaient pas de péché. Le cheikh il dit, ceux-là ils auront la sécurité complète et ils font partie de la première catégorie. Ensuite il dit, أما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها ça c'est la deuxième catégorie حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده وفاته منه بقدر معصيته donc celui parmi les gens du tawhid qui sont sur le tawhid ils n'ont pas fait de shirk mais par contre ils ont des péchés et ces péchés-là, ils ne s'en sont pas repentis hein, avant leur mort. Donc ils sont morts en commettant ces péchés-là sans se repentir. Eh bien, ceux-là, ils auront proportionnellement à leur foi et à leur tawhid hein, une certaine sécurité, une certaine guidance. Hein, et ils vont manquer ou ils vont perdre de cette sécurité et de cette guidance selon la proportion de leurs péchés. Hein, et ceux-là, c'est la deuxième catégorie, comme on l'a dit. وهذا هو العلم الدقيق والفقه الدقيق في كتاب الله. Donc ça, quand le cheikh dit cette façon, comment le cheikh il a séparé les catégories, on voit comment ils ont une compréhension très détaillée hein, et très précise de la parole d'Allah et du livre d'Allah. Ensuite, il a mentionné le verset qu'on a lu dans sourate Fatir, le verset 32. Puis nous avons fait hériter le livre, hein, nous avons fait hériter du livre ceux d'entre nos serviteurs que nous avons choisis, et parmi eux il y a ceux qui se sont fait de l'injustice à eux-mêmes, ceux qui sont sur une voie moyenne, et ceux qui ont devancé tous les autres dans les bonnes œuvres par la permission d'Allah. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit « وَالْمُرَادُ بِالْكِتَابِ هُوَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمِ لِأَنَّ مَنْ قَبْلَهُمْ عِنْدَهُمْ كُتُبُ ثم جاء القرآن ونسخها كلها وأمر الله تعالى باتباع القرآن وحده فقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب هذا تعظيم للقرآن الذين اصطفينا من عبادنا أي اخترنا من عبادنا وهم هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا ثناء على هذه الأمة وأن الله تعالى اختارهم لحمل هذا الكتاب ودراسته ثم قسم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الظالم لنفسه وهو الموحد العاصي والقسم الثاني المقتصد الذي فعل الواجبات وترك المحرمات واقتصر على ذلك وهؤلاء هم الأبرار والقسم الثالث السابق بالخيرات وهو المقرب الذي فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط والورع وهؤلاء هم المقربون. Donc on va commencer par traduire ça. Le Cheikh Al-Fawzan il explique que premièrement qu'est-ce qu'on veut dire dans le verset par le livre? C'est le Coran, Al-Azim, le noble Coran. Et la raison pourquoi il mentionne le livre, c'est parce qu'il y a eu d'autres livres avant celui-là. Puis le Coran est venu abroger tous les livres précédents et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de suivre uniquement le Coran. Puis il dit ensuite, nous avons fait hériter le livre, c'est-à-dire le Coran, et ça c'est le respect pour le Coran en même temps, hein, nous avons fait hériter du livre ceux d'entre nos serviteurs que nous avons choisis. et c'est-à-dire cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui ont hérité du livre. Et il dit, et il y a dans ça un éloge pour cette umma. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette umma pour qu'il porte ce livre et pour l'étudier et l'enseigner. Et il dit, puis ensuite il a divisé la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en trois catégories. La première catégorie sont ceux qui se font de l'injustice à eux-mêmes, c'est-à-dire le musulman qui est muwahhid, il est sur le tawhid, il ne fait pas de shirk et qui a commis des péchés. Il a commis des kaba'ir, hein, et des péchés comme ça, donc il s'est fait de l'injustice à lui-même. La deuxième catégorie, c'est al-muqtasid, celui qui est sur la voie moyenne, c'est-à-dire il a fait les actes obligatoires et il a délaissé les actes interdits, qu'est-ce qui est haram. Donc il fait qu'est-ce qui est wajib et il s'écarte de ce qui est haram, mais il s'arrête là, c'est-à-dire il ne va pas faire qu'est-ce qui est mustahab, hein, recommandé, et il ne va pas s'abstenir de qu'est-ce qui est makruh, qu'est-ce qui est détestable. Hein? Il dit, il se limite uniquement à ça, et ceux-là, c'est la catégorie des abrar, les gens du bien. La troisième catégorie, c'est ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a désigné en disant qu'ils sont as-sabiqu bil khayrat, c'est-à-dire la personne qui a devancé tous les autres dans le bien, dans les bonnes œuvres, c'est-à-dire ceux qui dépassent les autres dans le bien. Ça, c'est celui que Allah appelle al-muqarrab, celui qui est rapproché d'Allah. Hein? Et il dit, donc c'est ceux qui font ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé aussi, et qui délaissent ce qui est haram et ce qui est makruh aussi, et qui vont même s'abstenir de certaines choses qui sont licites dans le but d'éviter, dans certains cas, de tomber dans ce qui est interdit, et pour par précaution. Ceux-là sont al-muqarrabun, ceux qui sont rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit ensuite, فقسم هذه الأمة إلى هذه الأقسام الثلاثة ثم وعدهم كلهم بالجنة فقال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب أي تعب ولا يمسنا فيها لغوب فوعدهم الله جميعا بالجنة ولكن تختلف منازلهم فيها يختلف دخولهم فيها وهذا فيه دليل واضح لمذهب أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر لا يكفرون لأن الله وعدهم بالجنة وجعلهم من المصطفين كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر والعياذ بالله. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets, il a divisé la umma en trois catégories. Puis, il les a ensuite, il leur a tous promis le paradis, hein, dans le verset suivant. Et on va lire le verset suivant ensemble. Donc, c'est dans Surat Fatir. Il dit dans le verset 33, le verset après, les jardins d'Éden où ils entreront, parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements seront de soie. Ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes, donc comme on disait, ils diront, louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. Donc ça c'est la preuve, comme le cheikh il le dit, que yani, ils ont tous reçu la promesse du paradis. Mais par contre, ils n'auront pas tous les mêmes degrés dans le paradis, et ils ne vont pas tous entrer au paradis en même temps. Hein? Certains vont entrer avant les autres. Et ça, c'est la preuve claire qui supporte la position de Ahl Sunnati wal Jama'a, hein, au sujet des gens qui ont commis des grands péchés, qui établit la preuve que celui qui a fait des grands péchés n'a pas rejeté la foi ou n'est pas considéré comme étant un mécréant à cause de son péché. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le paradis et il les a mentionnés comme étant des gens qui ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il dit, il les mentionne en disant الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Donc ça veut dire ils font partie, même s'ils ont commis des péchés, ils font partie de ceux que Allah a choisis. Et il y a dans ça la réfutation des sectes d'égarement comme les Khawarij et les Mu'tazila, qui eux déclarent mécréants ceux qui commettent des grands péchés. Wal'iyadhu billah. Donc c'est pour établir la preuve que quiconque n'a pas commis de shirk majeur ou de kufr majeur, eh bien il est toujours musulman, même si on considère que sa foi est faible, hein, à cause de son péché, mais on ne va pas le faire sortir complètement de la foi. On dit sa foi est diminuée par son péché, mais on ne va pas dire qu'il est sorti complètement de la foi, à moins qu'il ait commis un acte de shirk majeur ou de kufr majeur. Donc le cheikh il dit ensuite, فَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ, donc ça c'est le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, فَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ هُوَ الَّذِي خَلَطَ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. Donc il dit, celui qui s'est fait du tort à lui-même, c'est la personne qui a mélangé les bonnes œuvres et les mauvaises. Il a fait des bonnes œuvres et il a fait des péchés aussi en même temps. Et Cheikh Al-Fawzan il dit, أي أنه جمع بين طاعة ومعصية ولكن معصيته لم تصل إلى حد الشرك. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a réuni entre l'obéissance et la désobéissance. Toutefois, sa désobéissance n'a pas atteint le degré du shirk. Il dit, فَهُوَ تَحْتَ مَشِئَةِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِذَنْبِهِ وَنَجَّاهُ بِتَوْحِيدِهِ مِنَ الْخُلُودِ فِي النَّارِ. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, donc il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il va lui pardonner. Et si Allah veut le prendre pour son péché et le punir, eh bien il va le saisir pour son péché. Toutefois, il va le sauver par son tawhid, il va le sauver d'être en enfer pour l'éternité. Ça veut dire que même s'il entrerait en enfer à cause de son péché, il n'y entrerait pas pour y demeurer éternellement. Il y resterait seulement un certain temps, puis par la suite, il pourrait sortir, il sortirait, hein, tôt ou tard de l'enfer. Et Cheikh Al-Fawzan il dit à ce sujet, فَالْمُؤْمِنُ وَإِنْ دَخَلَ النَّارَ بِذُنُوبِهِ فَإِنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِيهَا بِسَبَبِ التَّوْحِيدِ هَذَا هُوَ فَضْلُ التَّوْحِيدِ. Donc le Cheikh dit, donc le croyant, même s'il entre en enfer par rapport à son péché, il ne va pas y rester éternellement à cause de son tawhid. Et ça montre le mérite, hein, du tawhid. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il continue en disant, أَمَّا الْمُقْتَصِدْ فَهُوَ الَّذِي عَمِلَ بِمَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَرَكَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فَقَطْ وَهَذِهِ حَالُ الْأَبْرَارِ. Donc il dit, tandis que la personne qui est sur la voie moyenne, c'est la personne qui fait ce que Allah lui a ordonné de faire et qui délaisse ce que Allah lui interdit seulement. Il ne fait pas plus, hein, ni moins. C'est-à-dire, il ne va pas faire les actes surérogatoires qui sont recommandés, puis il va pas s'abstenir des choses déconseillées ou détestables, il va juste s'abstenir de ce qui est haram. Donc ça c'est les gens qu'on appelle al-abrar, hein, la catégorie des abrar, des gens du bien. Et il dit, à propos de ceux-là, Cheikh Al-Fawzan, il dit al-iqtisad huwa adam at-tawassu' fi ash-shay', yani muqtasidun fi al-ibadati, iqtasara ala ada' al-wajibat wa tajannaba al-muharramat. Donc al-iqtisad c'est comme si le mot iqtisad, même en arabe on l'utilise pour appeler qu'est-ce qu'on appelle l'économie, hein, l'économie on l'appelle iqtisad. Et ici dans ce sens-là, al-muqtasid, eh bien comme le cheikh dit, al-iqtisad huwa adam at-tawassu' fi ash-shay', c'est-à-dire tu vas pas t'élargir trop dans l'affaire, tu vas pas t'étendre trop, hein, donc tu vas te limiter. Et c'est ça l'iqtisad, c'est se limiter. Et c'est pour ça que même parmi les salafs, ils disent par exemple iqtisad fi sunnah khayrun min al-ijtihad fi bid'ah, c'est-à-dire de faire peu, de se limiter sur une sunnah, c'est-à-dire de pas en faire énormément, c'est mieux d'en faire peu que de faire beaucoup d'efforts mais sur une bid'ah. Parce que la sunnah, même si tu en fais peu, tu sais qu'Allah va te la récompenser et qu'elle va compter. Tandis que la bid'ah, même si tu fais beaucoup d'efforts et que tu en fais une grande quantité, eh bien, elle ne va pas être acceptée, donc ça vaut rien. Donc, c'est pas la quantité qui est importante, mais c'est de savoir que qu'est-ce que tu fais, c'est sur la sunnah. Et ensuite, donc le cheikh, il dit, donc, de te limiter par rapport à l'adoration, c'est-à-dire d'être sur la voie moyenne, ça veut dire tu te limites dans l'adoration à faire que ce qui est obligatoire et à t'écarter de ce qui est interdit seulement. Tu vas pas faire plus que ça. Et ceux-là, on les appelle al-abrar. Il dit wa amma as-sabiq fa huwa alladhi hasala lahu kamal al-iman bi-istifrarihi was'ahu fi ta'ati Allah 'ilman wa 'amalan. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans la catégorie supérieure des croyants, c'est-à-dire ceux qui ont devancé tous les autres dans les bonnes œuvres et dans la piété et dans la foi, eh bien c'est ceux qui ont dépensé tout leur effort et toute leur force dans l'obéissance d'Allah, dans la science et dans l'action, dans la pratique, dans la connaissance et dans la pratique. Et Cheikh Abdurrahman, il a dit ça, donc Cheikh Al-Fawzan, il explique en disant que فَطَبَقَتُهُمْ هِيَا الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ وَهُمْ عُصَاتُ الْمُوَحِّدِينَ وَأَبْرَارُ وهم المقتصدون ومقربون وهم السابقون بالخيرات. Donc il résume les trois catégories. Il dit que donc les trois degrés des croyants, le premier c'est celui qui se fait de l'injustice à lui-même, et ce sont les pécheurs parmi les musulmans qui sont sur le tawhid. Le deuxième c'est ce qu'on appelle al-abrar, les gens du bien, et c'est ceux qui se limitent dans leur adoration à faire uniquement ce qui est obligatoire et à s'abstenir uniquement de ce qui est interdit. Et c'est ceux qu'on appelle al-muqtasidun, qui sont sur la voie moyenne, et al-muqarraboun, ceux qui sont rapprochés, qu'on appelle as-sabiquna bil-khayrat, c'est-à-dire ceux qui ont devancé tous les autres dans la foi et dans les bonnes œuvres, dans le bien. Et ensuite, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit فَهَذَانِ لَهُمَا الْأَمْنَ التَّامِ وَالِهْتِدَاءَ التَّامِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَالْكُلُّ لِلْكُلُّ وَالْحِصَّةُ لِلْحِصَّةِ. Donc il dit le Cheikh par rapport à qu'est-ce qu'il vient d'expliquer, il dit donc cette dernière catégorie, qui est la catégorie des gens qui ont précédé dans la foi, eux ils auront la sécurité complète et la guidance complète dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et il dit fal kullu lil kull wal hissatu lil hissa. Donc celui qui avait tout, sa foi était complète et qui pratiquait les choses de façon parfaite et complète, eh bien il aura la la sécurité complète et la foi complète. Et celui qui avait juste une part, il aura juste une part. C'est proportionnel. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Hein? Il va te donner ce que tu mérites selon qu'est-ce que tu as fait comme effort. Celui qui a fait tous les efforts, il va avoir toute la récompense. Celui qui aura fait moins d'efforts, il aura moins de récompense. Ça, c'est la justice. Hein? Et le cheikh, il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, يعني الأمن التام والاهتداء التام للكل يعني لمن أتى بكل العبادة وتجنب المعاصي فيحصل له الهداية والأمن المطلق والحصة للحصة الذي جاء بالتوحيد ومعاصي له أمن وعليه وعيد. Donc c'est ça. Il aura une part, il n'aura pas la chose complète. لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها فلم يلق ربه بذنب يعاقب به كما قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Donc il dit, la personne, à cause de la foi complète qu'il possédait, eh bien cette foi-là l'empêchait de commettre des péchés, et donc il ne sera pas châtié parce qu'il ne va pas rencontrer son Seigneur avec un péché pour lequel il pourrait être châtié. Et il cite le verset 47 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: que ferait Allah de votre châtiment si vous êtes reconnaissant et que vous croyez? Et ça, comme on expliquait tout à l'heure, ça ne veut pas dire que la personne, elle n'a jamais commis de péché du tout, mais plutôt ça veut dire que lorsqu'elle a commis un péché, elle s'est repentie de ce péché-là. Donc, une fois qu'elle s'est repentie de ce péché, c'est comme si elle n'avait pas commis de péché. Hein? Peu importe en même temps, peu importe même la gravité du péché. Toutefois, il ne faut pas prendre les choses à la légère, comme l'autre jour, quelqu'un qui posait la question, mais si par exemple je commets ce péché-là, je peux me repentir après, en voulant dire, c'est pas si grave que ça. Hein. C'est comme si une femme, par exemple, qui disait, bon, je vais enlever le hijab, je vais enlever le voile pour aller travailler. Donc, elle disait, puisque Allah pardonne tous les péchés, donc c'est pas si grave que ça, je peux l'enlever, puis après ça, je vais le remettre. Hein. Ou bien, je vais me repentir par la suite. Sauf qu'il faut faire attention à ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاء. Il pardonne tout ce qui est moindre que le shirk à qui il veut. Et des fois, par exemple, si quelqu'un, il agit d'une manière qui est pas sincère, dans le sens qu'il sait à l'avance, وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَحَمَتُ. Il sait à l'avance que qu'est-ce qu'il fait, c'est pas correct. Puis il prémédite de faire le péché en pensant à l'avance que mais c'est pas grave, je vais le faire, puis après j'aurai juste à me repentir. De un, peut-être que Allah il va pas accepter cette repentance là, parce que la personne à l'avance, c'est comme si elle veut jouer avec les règles de la religion, et elle prend les choses à la légère comme un jeu. C'est comme si elle prenait la religion un petit peu comme un jeu dans des cas comme ça. C'est dangereux parce que on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Peut-être que tu vas mourir avant de te repentir, ou bien quelque chose peut t'arriver qui fait que Allah va sceller ton cœur, puis tu vas tomber dans un péché plus grave ou dans un égarement par la suite. Donc il ne faut pas prendre ce genre de choses à la légère et s'imaginer que on peut jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala et avec sa religion, parce que ça c'est des choses graves en réalité, et on ne sait jamais, hein, si on essaie d'agir de cette manière, qu'est-ce qui risque de nous arriver par la suite. Nassallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, par rapport à ça, وهذا تعهد من الله عز وجل لمن شكر وآمن أنه لا يعذب. C'est ça. Dans le verset, que ferait Allah de votre châtiment si vous êtes reconnaissant et que vous croyez? C'est un engagement que Allah prend de ne pas châtier celui qui est reconnaissant. Tant qu'il est reconnaissant et tant qu'il est croyant, Allah ne va pas le châtier. Donc ça, ça montre l'importance d'être reconnaissant et d'être croyant. Il dit ensuite وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ فِي مَعْنَى. Ça c'est le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan. Il dit وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْتُهُ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ مَعْنَى مَا قَرَّرَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَعْنَاهَا وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ خِلَافًا لِأَهْلِ الْبِدَعِ خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. Donc ça c'est vrai, c'est la, l'explication qu'on a lue de ce verset, le verset 32 dans Sourate Fatir, c'est l'explication de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. On l'a lu quand on a fait le sharh de Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Il a expliqué ce verset là et il a expliqué exactement de cette manière. Hein? Et Cheikh Al-Fawzan il commente là-dessus en disant ذكر الله هذه الطبقات الثلاثة في سورة الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة فذكر المقربين وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة فصل في أول السورة ثم أجمل في آخرها فقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم وكذلك في سورة هل أتى على الإنسان يعني في سورة الإنسان ذكر الطبقات الثلاث وشرابهم وشرابهم. Donc le cheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné les trois catégories dans d'autres versets, dans Sourate Al-Waqi'a et dans Sourate Al-Insan. Quand il dit dans le verset 7 dans Sourate Al-Waqi'a wa kuntum azwajan thalatha, vous serez trois groupes. Et il commence à mentionner al-muqarrabun, ceux qui sont rapprochés, qui sont as-sabiquna bil khayrat, et il mentionne ashab al-yamin, les gens de la droite qui sont les abrar. Puis il mentionne ashab al-mash'ama, ashab al-shimal, c'est les gens de la gauche, les gens de l'enfer. Et il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés comme ça dans sourate al-waqi'a. Au début de la sourate, il les sépare comme ça, puis à la fin, il détaille. Donc ceux qui sont parmi les rapprochés, farouhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Donc ils auront le paradis, puis attendez, je vais mentionner le verset. Farouhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Verset 88. Naam. Ils auront un repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'ils sont du nombre des gens de la droite, ils seront accueillis par des mots salam, paix, de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection, et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans l'enfer, dans la fournaise. Donc ça c'est les trois catégories qui sont mentionnées dans Al-Waqi'a. Puis dans Surat Al-Insan, il mentionne aussi trois catégories et le breuvage que chacun d'entre eux va boire. Naam. Et donc il dit, et ça c'est ce qui est prouvé par le Coran, c'est-à-dire c'est la division de ces catégories là, et que les gens qui commettent des grands péchés parmi les musulmans ne sont pas considérés comme étant des kuffars selon la position d'Ahlul Sunnati wal Jama'a, contrairement aux gens de Bid'a parmi les Khawarij et les Mu'tazila, qui eux considèrent kuffar tout musulman qui a commis des grands péchés. Et Cheikh Al-Fawzan il dit Al-Ladina yukaffiruna bil kaba'ir allati duna ash-shirk. Donc c'est eux qui déclarent mécréants tous ceux qui commettent des grands péchés qui sont moindres que le shirk. Donc ça c'est parmi les groupes d'égarements. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine demain plutôt. On continuera demain inshallah la suite de l'explication. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.